Les masses médias de divers pays ont fait part les 12 et 13 juillet de l'entretien du porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères concernant l'intensification des manœuvres militaires des États-Unis qui tentent d'empirer à l'extrême la situation dans la péninsule coréenne. Ce sont l'agence de presse russe TASS, l'agence de presse Chine Nouvelle, la télévision satellitaire Phoenix et le journal Takombao de Hong Kong de Chine, le journal indien Rising Europe, le journal égyptien Al-Misri Al-Yaoum, le homepage d'Internet de la succursale polonaise de l'Association d'amitié avec la République populaire démocratique de Corée et le homepage d'Internet polonais La République populaire démocratique de Corée.